Je ne suis pas gentil, c'est pas vrai. Quand je m'énerve, je me mets dans des états dingues. Je suis méconnaissable. Ok, excusez-moi, je peux vous poser une dernière question? Absolument. Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis monde de merde? Au revoir. On m'a dit garde ton calme, rien n'est insurmontable. Sache te contenir même si la vie te fait la totale. Sur ces dires je me suis forgé un esprit embêtant et sans prétention. Je peux dire que j'ai acquis la force de l'âge. J'ai passé outre les sales connards, les histoires à deux balles, les critiques, les coups de crasse et puis tous ces bobards. Esquivant les tocards, je me suis pété les cordes vocales, à crier que je voulais pas soumettre ma haine au racolage. J'ai ma part de rage comme tous. Et si je parle de ça c'est parce que moi aussi j'ai tant de bagages sur mon attelage. En partant de là j'ai su canaliser ma haine par ses phases, évitant le rap de bas étage parce que j'avais passé l'âge. Sans griller les étapes, j'ai misé sur le résultat, j'ai pris le large et j'ai enfin beaucoup appris de l'art. Je vais pas te rentrer dans l'art, encore moins te cribler de balles, ni c'est ni parti et je parle au sens littéral. Y'a ceux qui font de la zik et ceux qui font du cinéma, ceux qui grattent sur feuille face à leur reste invisérable, ceux qui disent être misérables avec l'image comme idéal, et puis ceux qui comme nous ne font pas dans l'illégal. Y'a ceux qui ont pris des barbes et puis ceux qui ont pris des grades, ceux qui sont restés quand l'espoir a mis les voiles, et puis y'a ceux qui ont suivi leur petite étoile et ont fait de leur humilité une force considérable. Un pied après l'autre, j'avance serein, sans brûler les états. Réussir sa vie est une putain de course à handicap où personne ne part du même point. Moi j'ai mes rêves en ligne de mire et mes rimes dans les poings. Je suis souvent dans mon coin entre l'euphorie et la folie. Mais si tu veux mettre à l'amende, j't'apprendrai à rester poli. Un conseil, méfie-toi de l'eau qui dort. Tu me cherches sur la photo, mais je fais partie du décor. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Je garde mon sang-froid même dans un contexte hostile. Loin de ces gars qui se lustrent le nombril, j'écris l'histoire à mon rythme. Mais à l'encre des débiles, c'est toujours ceux qui te suivent qui finissent par te dépasser. Mais c'est en allant trop vite qu'on finit par déraper. Alors je prends le temps quitte à le perdre un peu. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux. Quoi qu'il arrive, j'ai jamais su faire la victime. Et depuis le temps, j'ai passé l'âge d'aller casser des vitrines. On craque aussi vite que des allumettes, mais on cache nos douleurs derrière un rideau de fumée. Je suis ce genre de type qui parle avec les yeux, parce que on a appris avec la méthode de nos vieux. On tue et meurt en silence dans un coin d'une thèse. Mais t'inquiète, je garderai tout dans un coin de ma tête. J'ai tout vu tout autour de Paris. Malgré tout, je garde le sourire devant ceux qui m'ont trahi. Mais on paye le tarif, on reste tous debout, même écœurés. Y'a pas de Dieu, c'est juste qu'on se cache pour pleurer. Le but, tout démonter sans jamais rien montrer. Parce qu'on a tellement à faire et si peu à raconter. Prêt pour tout, jamais prêt à tout, même dans la tête. Pas de provoque, tu me trouveras que si je te cherche.